posée sur une vide lumière, dictée par une nuée enceinte, gardienne de l'inconscient naturel, guérisseur de pensées qui ensorcelle, maître du vent et de la vie, messager du monde pour le Messie, un amour perdu pour le juste, la perception du le sage dans sa lutte, dans l'horreur se cache la victoire. Les démons aiment celui qui est offensé, encore faut-il y croire. L'enfer prend naissance dans chaque guerre. Le but de l'homme est de marcher sur l'autre. À qui la faute? Oh, à qui la faute? Le cœur attiré par le mal, les yeux fermés sur une beauté sans égale, basée sur tout sauf sur l'essentiel. Les traductions sont images de leur naturel. La perception est le fruit du diable, mais le meurtre est une longue fable. Le gardien parle pour recevoir, le voilà dans son travail, son miroir. C'est un gardien d'une vie bien faite, l'âme du subconscient à son prophète. Les étapes sont une préoccupation, élever son enfant au mieux dans de bonnes conditions. Les nuages suivent ses gestes, l'inconscient à son prophète. L'obscurité est le meilleur moyen de percevoir la lumière. Mon style est clair, sachez que silence entend les étoiles. Rien ne dévoile, oh rien ne dévoile. C'est un gardien d'une vie bien faite, l'inconscient à son prophète. La guerre, la paix, un gardien pour ma destinée. C'est un gardien d'une vie bien faite, l'inconscient à son prophète. La guerre, la paix, un gardien pour ma destinée. Sous la douleur règne la guérison, un ange se changera en démon. Sentir pleurer son âme dans l'injustice, le père a retrouvé son fils. C'est un endroit de douleur et de folie, un endroit dicté par un ennemi. C'est une terre de douleur et de folie, une terre dictée par des besoins, des envies. Un monde parfait en image, la perception a touché le sage. L'eau du ciel est bénédiction, manger à sa faim est une obligation. Le peuple meurt et le porc se traîne, il mangera ce qu'on lui sème. Le vent parle à l'oreille du spirituel, les pierres donnent l'avenir, j'ai plus rien pour elle. Non, non, plus rien pour elle. Oh, mademoiselle immortelle, le jour ils m'ont touché, j'ai perdu l'amour. Le mal m'a joué des tours, c'est un endroit de parole, c'est l'essence du Christ et sol. C'est une vie au-dessus du monde, c'est des nuages qui font et défont. C'est une vie de connaissance, c'est l'essence de l'existence. C'est la vie, la mort, c'est le péché du monde qui a fait tant d'efforts. Il existe à une nuée posée sur un an, représentant l'homme et la femme, la force et l'ordre, la guerre, la paix, le bonheur pour cette destinée. C'est un gardien d'une vie bien faite, l'inconscient à son prophète. La guerre, la paix, un gardien pour ma destinée. C'est un gardien d'une vie bien faite, l'inconscient à son prophète. La guerre, la paix, un gardien pour ma destinée. Sleeping in your house, fool, damn mother. I'm telling you, don't go home and kill your wife.